22-17, activation orale, le temps qui passe, se dépêcher, être en retard. Répondez selon les exemples. Vous entendez. 1. Vous êtes en retard. Que vous dites. Dépêchez-vous. Ou bien vous entendez. Vous n'êtes pas en retard. Et vous dites. Ne vous dépêchez pas. On y va. 3. Tu es en retard. Dépêche-toi. 4. Nous sommes en retard. Dépêchons-nous. 5. Oh, nous ne sommes pas en retard. Ne nous dépêchons pas. 6. Tu n'es pas en retard. Ne te dépêche pas. 7. Oh, vous n'êtes pas en retard. Ne vous dépêchez pas. 8. Vous êtes en retard. Dépêchez-vous.